Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui un film très original pour une histoire qu'on connaît tous. 1840. Qui aurait bien pu imaginer que ce jeune garçon lisant la Bible dans une cabane de chasse perdue au milieu des bois deviendrait un jour un capitaine de navire baleinier ? Personne. Et pourtant, de main tendue en coups reçus, Ahab grandit et s'empare des océans. Devenu un capitaine redoutable, il rencontre une baleine éblouissante de blancheur, Moby Dick. Qu'est-ce que t'as ? Il y a une de tête. C'est la chasse. J'aimerais bien venir avec toi. Mais t'as bien le temps d'aller à la chasse. Tu serais tout le temps dans mes pattes. Je suis un homme. Tu seras un homme quand je te le dirai. Bougez pas ! Je présente un ami, le roi d'Angleterre. Il mesurait 1m40, à 3 cm près, ou 4 peut-être bien. Bâti en force, il venait droit sur vous, les épaules légèrement voûtées, la tête en avant, le regard noir qui vous faisait penser à un taureau prêt à charger. Alors c'est toi, Ahab. La Bible et le médaillon de sa mère furent les seuls biens qu'il emporta avec lui. L'arrogant personnage devint un héros. Une légende vivante, un roi couronné. Capitaine Ahab, un film de Philippe Ramos, avec Dominique Blanc, Jean-François Stévenin, Philippe Catherine, un DVD Arte Vidéo.